Bonjour Jean-Yves, je peux te poser des questions ? Ouais. Donc toi, tu étais un des grévistes de la faim l'année dernière sur la lutte de l'hôpital du Rouvray. Depuis, tu es toujours mobilisé avec les copains, les copines, et ça s'arrête jamais en fait. Faut croire que non, en effet, ça s'arrête jamais. Mais quand tu vois un petit peu ce qui se passe, arrêter, ça paraît un petit peu compliqué. Il y a quand même une dégradation des conditions sociales dans ce pays. Et après, je pense que c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Donc moi et mes collègues de la CFDT du Rouvray, on prend les nôtres. Donc en effet, ça ne s'arrête jamais. C'est comme ça, ça s'appelle le sens du combat. Vous êtes la branche action directe de la CFDT, vous, en fait. Je ne sais pas si on a la branche action directe de la CFDT, mais après, voilà, à la CFDT, chacun joue sa partition et chacun joue son rôle. Dans nos plus grosses instances, ils jouent leur rôle. Et nous, au niveau de la base, on joue le nôtre dans l'intérêt des salariés. Là, il y a eu, par rapport à la lutte de l'année dernière qui était très dure, où il y a eu un protocole qui a été obtenu à l'issue donc quand même de 10 jours de grève de la faim de 8 personnes. Ils se permettent de remettre ça en question, quoi. Enfin, c'est-à-dire le degré de mépris complet qu'il y a par rapport aux personnes en lutte, aux salariés, aux patientes, aux patients. Oui, c'est ça qui change la donne par rapport à quelques années. C'est que, en fait, que ce soit le gouvernement, les directions des établissements ou dans les directions d'entreprise, en fait, ils sont toujours dans le même système de déni des salariés et toujours dans cette contrainte économique qu'ils veulent tout le temps nous imposer. Et tout ça pour imposer de la régression sociale. Donc encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en effet, quand tu vois ça au quotidien et quand tu vis ça au quotidien et quand tu vois les salariés qui commencent un petit peu à crever au travail, quand tu as une responsabilité syndicale, quelle que soit la couleur syndicale, ta responsabilité justement, c'est d'emmener les gens en lutte pour justement inverser la tendance et montrer à ce gouvernement-là ou à des directeurs d'hôpitaux ou des directeurs d'entreprises qu'ils ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Merci. De rien.